des menus en secret, une lutte inutile. J'ai trop longtemps enterré ce que criait mon âme. Vous ne pouviez savoir ce qui était mes tourments. Vous étiez le décor et j'étais le dément. J'ai crié en silence, mais des coups de ce monde refusant au réel, criant à l'illusion. Il était pourtant là, mais comment accepter de faire vivre l'enfer? J'ai préféré le nier. Je suis un égaré parmi gardes sur cette terre. Je me trouve exilé. Faudra-t-il faire semblant d'être à l'eau seconde et attendre en silence l'ultime délivrance? J'ai eu beau crier, grâce à la vie s'est imposée une idée effrayante de mon être exposé. Vous avez mis à nu, découvert en ce jour ce que depuis toujours j'avais voulu cacher. Rassemblant pierre à pierre de fausses certitudes, j'ai peu à peu construit un splendide édifice. Temple de la folie, refuge du désir, croyant ainsi bannir ce que je haïssais. Cette muraille épaisse de pierre si fragile n'a résisté qu'un temps, s'est écroulée enfin dans un fracas de larmes et a cédé la place à ce que si longtemps j'avais voulu renier. Je suis un égaré parmi gardes sur cette terre. Je me trouve exilé. Faudra-t-il faire semblant d'être à l'eau seconde et attendre en silence l'ultime délivrance? J'ai eu beau crier, grâce à la vie s'est imposée une idée effrayante de mon être exposé. Vous avez mis à nu, découvert en ce jour ce que depuis toujours j'avais voulu cacher. De mon âme, j'appelle à moi la mort de sa lame aiguisée. Qu'elle sème le bonheur, qu'elle abatte sans tarder l'infernale douleur de cette vie qui me ronge, qu'elle n'ait aucun rebord. Laissez-moi cet espoir, laissez-moi cet espoir que nous vivons.